Chapitre 8. L'oublier. Pareil à un vent d'altitude, Ophélie survolait l'ancien monde. C'était une terre intacte, telle qu'elle devait l'être autrefois, avant d'avoir inexplicablement éclaté en morceaux. Ophélie contemplait depuis le ciel ses villes, ses forêts, ses mers et ses campagnes qui restaient hors de sa portée. D'aussi loin qu'elle s'en souvint, elle avait toujours fait ce rêve, mais il prit cette fois une tournure inhabituelle. Les nuages se transformèrent en tapis, et à peine Ophélie y posa-t-elle le pied qu'il n'y eut plus d'ancien monde, plus de mer, plus de ville, plus de campagne. Elle se trouvait à présent dans une chambre, pas n'importe laquelle. C'était sa chambre d'enfant, sur Anima. Ophélie se tenait debout face au miroir mural, et son reflet était tout rajeuni, emmitouflé dans un peignoir avec des cheveux encore roux qui bouclaient autour de son visage. Que faisait-elle ici, au beau milieu de la nuit? Quelque chose l'avait réveillée, mais quoi? Ce n'était pas sa sœur Agathe qui dormait sur le lit du haut, ni les meubles qui bougeaient parfois en douce. Non, c'était autre chose. C'était le miroir. Ophélie ouvrit grand les yeux, le cœur battant à tout rompre. Elle observa d'un air hébété le chaton tigré qui jouait avec son écharpe. Il détala de la table à manger quand Ophélie se redressa sur sa chaise. Elle s'était endormie au beau milieu du petit-déjeuner et de son livre de contes. « J'ai fait un drôle de rêve, » dit-elle à la tante Roselyne qui arrivait avec la cafetière. « Si tu as vu un chat, ce n'était pas un rêve. Il s'est introduit par la fenêtre. » Bérénilde s'est enfermée dans la salle de bain en attendant qu'on le chasse. Elle n'aime vraiment pas les animaux. Non, enfin, si, j'ai vu le chat, mais ce n'était pas mon rêve. J'ai cru, je ne sais pas, entendre quelque chose, marmonna Ophélie en frottant ses yeux sous ses lunettes. À présent qu'elle refaisait surface, le rêve perdait en précision et en intensité. Elle ne se rappelait plus tellement ce qui l'avait perturbée à ce point. « Ce doit être à cause de l'accident de miroir d'hier. Ça m'a rappelé des souvenirs. »« Oui, on en parle sous la rubrique « insolite », » soupira la tante Roselyne. Elle avait posé sur la table le Nibelungen du jour qui titrait, ironiquement, « L'étrangère laisse traîner ses bouts chez les autres. » La semaine dernière, il parlait d'un embouteillage de matelas dans un ascenseur, rétorqua Ophélie en feuilletant négligemment la gazette. Je crois que je vais arrêter de lire ce ramassis de bêtises. Ce n'est pas ce que j'appelle de l'information. Ophélie essaya de se concentrer sur la pile de lettres et de sabliers qui s'amoncelaient sur le plateau réservé au courrier du jour. Il n'allait pas être simple de dégager un moment de liberté entre deux invitations à l'insu de Bérénilde et de la tante Roselyne pour rendre visite à Thorne. Tu as vu comment tu t'es accoutré ? L'interrogea sa tante, désignant les coutures le long de ses manches qui étaient à l'envers. « Je pense que tu devrais éviter les miroirs tant que tu n'es pas reposé, » continua-t-elle en lui servant du café. « Tu te rends compte que tu pourrais en garder des séquelles ? Comme je n'aime pas non plus les sabliers, je suggère que nous prenions les ascenseurs ensemble, d'accord ? Et tant pis si tu arrives en retard à tes rendez-vous. » Ophélie avala son café de travers, referma son livre sur son écharpe et se leva si brusquement qu'elle renversa sa chaise en arrière. « Je suis désolée, ma tante, je dois partir. Laissez Bérénilde prendre tranquillement son bain. Vous la préviendrez après. »« Pardon ? Mais où ? Comment ?» bégaya la tante Roselyne abasourdie. Ne prenant même pas la peine de répondre, Ophélie se dirigea vers les deux Valkyries, assises sur leur banquette habituelle, les bras croisés en travers de leur grande robe noire. Elles étaient aussi raides, aussi silencieuses et aussi vigilantes qu'au premier jour. « Archibald ! » appela Ophélie en se penchant sur les vieilles femmes. « Archibald, si vous m'écoutez, sachez que je serai devant votre cabinet. Dans une minute. Si vous voulez m'épargner d'être arrêté par vos gendarmes, retrouvez-y moi dès que possible. Venez avec votre régisseur, je vous expliquerai tout sur place. Merci d'avance. » Les Valkyries s'entre-regardèrent avec un sourcillement sévère, choquées d'être prises pour un central téléphonique. « Quelle épingle te pique ?» s'impatienta la tante Roselyne en suivant Ophélie vers sa chambre, sa cafetière toujours en main. Pour toute réponse, celle-ci lui remit le billet qu'elle venait de décacheter et qui ne contenait que quelques mots griffonnés à la hâte. « R est dans le pétrin, tu lui en dois une, Alors sors-le de là. Signé G. Qui est R? Qui est G? Mes amis du clair de lune, dit Ophélie en retirant sa robe pour la remettre à l'endroit. Jusque-là, elle avait fait le choix de ne jamais parler ouvertement ni de Renard ni de Gaël. Elle avait toujours pensé qu'elle causerait plus de tort que de bien en affichant son intérêt pour les domestiques d'une autre famille. De telles amitiés étaient interdites ici-haut et sa réputation aurait moins souffert que la leur. Pourtant, dès l'instant où elle avait lu le message de Gaël, Ophélie avait senti un feu s'allumer dans tout son corps. Elle n'était plus capable de réfléchir froidement aux conséquences de ses actes et de ses paroles. Renard l'avait aidée comme personne au clair de lune. Il n'y avait plus d'invitations, plus de sabliers, plus de protocoles, plus de bienséances qui tinssent. Seul comptait le besoin impérieux de lui rendre l'appareil. Plantée au milieu du couloir, la tante Roselyne considéra tour à tour le billet, puis sa nièce, puis la porte de la salle de bain où Bérénilde chantonnait le dernier opéra à la mode. « Nous irons ensemble. Il est hors de question que tu te promènes seule dans le repère de ce libertin. » Ophélie ne put s'empêcher de remarquer la façon dont les joues cireuses de sa tante avaient rougi. Ce trouble-là était plus éloquent que n'importe quel avertissement. Côtoyer Archibald, c'était jouer avec le feu. « Non, ma tante, vous ne savez pas traverser les miroirs et les ascenseurs sont trop lents. En incluant les correspondances et les contrôles, il me faudrait presque une heure pour me rendre au clair de lune. Mon ami a besoin de mon aide, c'est peut-être urgent. » coupa-t-elle d'un ton catégorique, comme sa tante s'apprêtait à répliquer. « Je ne vous empêche pas de me retrouver là-bas, mais s'il vous plaît, ne me ralentissez pas. » La tante Roselyne serra et desserra ses longues dents avant de reposer bruyamment sa cafetière sur une console. « Je te rejoins aussi vite que possible. D'ici là, ne te laisse surtout pas emberlificoter par monsieur l'ambassadeur. » Sans plus perdre un instant, Ophélie plongea tête la première dans le grand miroir de sa psyché. Elle refit surface à travers la glace d'un corridor qui menait au cabinet privé d'Archibald. La dernière fois qu'elle s'y était reflétée, c'était juste avant de faire sa montée officielle à la cour. Il lui semblait que c'était il y avait une éternité. À peine Ophélie posa-t-elle le pied sur l'épais tapis bleu, au milieu du paysage doré des boiseries, des bronzes et des lampes à gaz, qu'elle vit un gendarme en faction froncer les sourcils sous son bicorne et se diriger vers elle d'un pas militaire. L'ambassade n'était pas le lieu le mieux gardé de la citadelle pour rien. « Retournez à votre poste. Mademoiselle est l'invitée de monsieur l'ambassadeur. » Un homme hors d'haleine venait de surgir à l'autre bout du corridor. Ophélie reconnut Philibert, le régisseur du clair de lune. À cause de son visage parcheminé, tous les domestiques l'appelaient « papier mâché ». C'était un homme si terne de peau, d'habit et de caractère qu'il avait en temps normal la capacité de se fondre dans n'importe quel décor. En cet instant, toutefois, on ne voyait que lui, avec sa perruque de travers, ses joues écarlates, son jabot trempé de sueur et sa respiration sifflante. « Mademoiselle, » l'accueillit-il en trébuchant, son registre sous le bras. « J'ai accouru dès que monsieur m'a téléphoné. Il m'a demandé de vous introduire dans son cabinet. Il vous y rejoindra bientôt. » Ophélie se tint très droite sur le siège qui lui fut offert, releva le menton, croisa les mains sur sa robe bien à l'endroit et afficha un calme qu'elle ne ressentait pas. Pour la première fois, elle appliquait à la lettre les leçons de posture que Bérénilde s'était évertuée à lui inculquer depuis des mois. S'il fallait jouer les parfaites dames du monde pour venir au secours de Renard, elle le ferait. « Monsieur le régisseur ? » appela-t-elle en le cherchant des yeux. « Mademoiselle désire-t-elle quelque chose ?» Philibert se tenait juste à côté de la porte, son registre sous le bras. À présent qu'il avait retrouvé son souffle et son teint terreux, il avait déjà endossé sa transparence coutumière. « Le valet Reynold fait partie des employés fixes du clair de lune, n'est-ce pas ?»« Je ne comprends pas bien, mademoiselle, » dit-il d'un ton monocorde. « Mademoiselle a-t-elle eu à déplorer un mauvais service lors de son dernier passage ici ?» Bérénilde n'avait pas jugé bon de faire étalage de la petite mascarade à laquelle elle s'était adonnée des semaines durant au clair de lune, en travestissant Ophélie en valet. Cela rendait parfois les conversations un peu compliquées. « Je ne déplore rien du tout, au contraire. J'ai apprécié les manières de ce domestique. Et je vous demande simplement de ses nouvelles. Sert-il toujours, madame Clotilde ?»« Voilà qui est embarrassant, mademoiselle, » dit Philibert, qui semblait tout sauf embarrassé. La regrettée Madame Clotilde nous a malheureusement quittés il y a plusieurs semaines. Mademoiselle n'était pas à l'enterrement. Ophélie resta sans voix. Elle savait que la grand-mère d'Archibald était d'une santé fragile, mais elle avait séjourné suffisamment longtemps sous ce toit pour que la nouvelle lui fît un choc. « Mais, Reynold, qu'est-il devenu ?» Ce fut au tour de Philibert d'être choqué. Qu'une invitée du clair de lune accordât plus d'attention au sort d'un valet qu'à la perte d'une aristocrate, cela défiait probablement à ses yeux toutes les convenances. « Puisque madame insiste pour le savoir... » Il chaussa ses besicles cerclés d'or et ouvrit le registre dont il ne se séparait jamais. « Le dénommé Reynold séjourne actuellement dans nos oubliettes. » Les lunettes d'Ophélie pâlirent sur son nez. « Comment est-ce arrivé ?»« À la colonne motif, j'ai noté absence de clé. Les clés font office de papier d'identité dans notre service. Les gendarmes effectuent des contrôles tous les jours pour des raisons de sécurité. Il en va de l'honneur de l'ambassade, mademoiselle. » « Voyons, c'est ridicule !» s'indigna Ophélie. « Ce valet travaille ici depuis des années. Vous ne pouvez pas le jeter en prison parce qu'il a oublié une fois de présenter sa clé. » « Il n'a pas oublié de la présenter, mademoiselle, » dit Philibert en la considérant avec une perplexité grandissante. « D'après ce qui est consigné ici, il n'en possédait pas. » Comme s'il paraissait se rendre compte lui-même de la singularité de cet état de fait, le régisseur lut plus attentivement son registre. « Ah, je comprends mieux. Au décès de la regrettée Madame Clotilde, Reynold a déposé son ancienne clé, comme l'exige la procédure. Il a dû subir un contrôle avant qu'un nouveau poste et une nouvelle clé lui soient attribués. Ce n'est vraiment pas de chance. » « Vous voulez dire qu'il croupit dans vos oubliettes depuis des semaines parce que vous avez tardé à mettre sa situation en règle ?» Seul monsieur peut lever la sentence, et monsieur est terriblement occupé, et je n'ai pas encore eu le temps de lui en toucher un mot. De toute façon, nous n'avons plus besoin des services de Reynold. Notre personnel est au complet. Et puis, un domestique qui a fréquenté les oubliettes donnerait une image déplorable à notre maison. » Ophélie était si scandalisée qu'elle lutta de toutes ses forces pour ne pas arracher son registre des mains de Philibert et en déchirer chaque page. Archibald, un homme occupé. 23 ans que Renard travaillait pour cette famille et il était traité avec moins de considération qu'un panier à linge. « Vous avez le sens de l'inattendu, fiancé de Thorne. » Archibald venait d'entrer dans son cabinet avec un sourire ensommeillé. Hormis son indécrottable haute forme, il portait sur lui un vieux pyjama troué à rayures rouges et noires. Il était aussi mal peigné et aussi mal rasé qu'à son habitude. Même affublé d'une robe à l'envers, Ophélie aurait eu l'air mieux éduquée que lui. « Je vous ai réveillé, » constata-t-elle poliment. Dans sa précipitation, elle avait perdu de vue l'heure matinale. Elle ne s'en excusa pas le moins du monde. C'était la première fois qu'elle éprouvait autant de colère pour quelqu'un d'autre que Thorne. « Et d'une manière fort peu orthodoxe, » ricana Archibald en s'affalant dans son fauteuil habituel. « Je ne vous avais pas placé sous la vigilance des Valkyries pour que vous en fassiez un usage personnel. » Il s'étira avec un long bâillement, s'accouda à un bras du fauteuil et posa sur Ophélie un regard pétillant. « Venir me voir si bas dans les étages de la citadelle sans personne pour vous chaperonner, vous mettez votre respectabilité en danger. » « J'avais besoin d'un service urgent à vous demander. Je vous en rendrai un en retour pour vous dédommager. » Les sourcils et le sourire d'Archibald eurent le même mouvement d'expansion. « Imprévisible, anticonformiste et entreprenante. Prenez garde, un de ces jours, je pourrais finir par tomber amoureux de vous. Et quelle faveur puis-je donc accorder à la fiancée de Thorne ?» Il n'aurait pas été très intelligent de faire l'énumération de toutes les insultes animistes qu'Ophélie avait en tête à cette seconde. Elle s'obligea à respirer profondément pour chasser la vilaine coloration rouge qui avait envahi ses lunettes. « Nous sommes en manque de personnel au gynécée. Je suis venue vous emprunter un homme de confiance. S'il vous plaît, » ajouta-t-elle après une hésitation, s'armant de toute la politesse dont elle était capable. Accoudé sur son fauteuil, Archibald considéra Ophélie avec une expression fascinée. « Vous m'avez sorti du lit à 6 heures du matin à cause d'un problème de domesticité ? J'en ai discuté avec votre régisseur. Vous avez un valet inoccupé qui a été victime d'un vice de forme. J'aimerais l'engager avec votre permission. Il s'agit de Reynold, monsieur, précisa Philibert avec son professionnalisme dépassionné. Il servait votre regrettée grand-mère. Archibald haussa les épaules tout en jouant du bout du pied avec sa pantoufle. Aucun souvenir de lui, je vous crois sur parole. Je ne vois pas d'inconvénient à le céder à la fiancée de Thorne. À une condition, ajouta-t-il avec un sourire goguenard pour Ophélie. Vous m'avez promis une contrepartie. Je la veux. Maintenant. Ophélie glissa sa main dans son écharpe remuante pour contenir leur nervosité à l'une comme à l'autre. Elle veilla à conserver un maintien et un sourire de jeune fille bien élevée. Elle ferait illusion aussi longtemps que Renard ne serait pas tiré de ses oubliettes. « Vous me prenez au dépourvu. Si vous m'accordez un peu de temps, maintenant !» la coupa Archibald avec une douceur redoutable. Il bondit sur ses pantoufles, fit une courbette théâtrale et lui tendit galamment une main pour l'inviter à se lever. Ophélie était déjà trop peu à l'aise pour accepter le bras d'un homme. Que celui-ci fût vêtu d'un pyjama troué ne l'aidait pas tellement. « J'ai peur de n'avoir rien apporté avec moi qui puisse vous intéresser. »« Détrompez-vous !» déclara Archibald en lui tapant amicalement la tête. « Vous êtes venu avec vous-même. Je ne souhaite rien d'autre. Suivez-moi, fiancée de Thorne. Mon régisseur fera le nécessaire pour votre valet en attendant. » « En attendant quoi ?» se demanda Ophélie. Archibald l'entraînait déjà hors de son cabinet, son bras en travers des épaules, avec une familiarité à la fois tendre et impérative. « Que voulez-vous de moi, monsieur l'ambassadeur ?»« Ne soyez pas inquiète. Je suis certain que vous allez adorer. » Dans le doute, Ophélie détourna les yeux aussi loin que possible de ceux d'Archibald. Elle avait vu une fois la tante Roseline céder à l'appel de ce ciel. Elle n'avait aucune envie de perdre la tête à son tour. Il la fit discrètement entrer dans la salle de billard. Tout y était vert, du tapis du billard aux banquettes en velours, en passant par les grands rideaux de damas, le papier peint des murs et les abat-jours des lampes. Quand Ophélie réalisa qu'ils étaient seuls, elle posa aussitôt ses mains sur ses lunettes. « Allons bon !» dit Archibald avec un éclat de rire. « Vous remettez ça !» « Pourriez-vous me promettre de ne pas utiliser votre charme sur moi ? S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, ça me mettrait vraiment à l'aise pour poursuivre notre entretien. » Il y eut un long silence pendant lequel Ophélie eut tout le temps de contempler ses gants contre la paroi des lunettes. « Je ne me rendais pas compte que vous me redoutiez à ce point. » Cette phrase, Ophélie ne l'avait pas entendue avec ses oreilles. Elle lui venait de l'intérieur. Elle avait oublié qu'Archibald était capable de lui imposer ses pensées, et elle craignit un instant que son sortilège pût s'infiltrer en elle en empruntant le même chemin de traverse. « S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. » « Contrairement à ce que vous imaginez, fiancée de Thorne, je n'ai ni le pouvoir, ni l'envie de voler le cœur des femmes. Si elles me cèdent, ce n'est pas parce qu'elles m'aiment, c'est parce qu'elles se sentent seules. Les yeux d'Ophélie se plissèrent sous ses lunettes. Cette fois, c'était la véritable voix d'Archibald qui s'était exprimée, mais elle avait une sonorité inhabituelle, presque sérieuse. « Vous ne me croyez pas ? Ma famille a reçu de Farouk le don inestimable de la transparence. Vous jugez ce manque d'intimité embarrassant, mais... « je ne ressentirai jamais la solitude tant qu'un membre de mon clan vivra. Ce que j'offre à toutes ces pauvres épouses, c'est simplement ceci. Un instant de pure transparence où j'efface entre nous la frontière qui distingue le moi de l'autre. Je n'ai pas envie de vous faire une promesse que nous pourrions un jour regretter tous les deux. Une communion des âmes. C'est plutôt romantique. Vous ne trouvez pas ? Ophélie trouva surtout cela formidablement impudique, bien plus que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle détestait l'idée qu'Archibald se fût imposé à sa tante de cette façon. Il prétendait arracher les femmes à leur solitude, mais il n'écoutait que son égoïsme. Même si ça lui brûlait les lèvres, Ophélie s'abstint évidemment de le dire. Elle ne se trouvait pas en position d'offenser son hôte, elle était ici pour Renard, et pour Renard seulement. Elle se laissa donc faire quand Archibald lui écarta les mains de façon à la regarder bien en face. Son haut de forme posé de guingois, il déployait un sourire désinvolte qui jurait avec la gravité de sa voix. « Vous êtes là pour me rendre une faveur. Dois-je vous le rappeler ?» Il remua soudain ses sourcils, promena un regard sur la salle de billard déserte, puis revint à Ophélie avec une expression navrée. « Oh, je commence à comprendre. Vous croyez que je vous ai emmené ici pour cocufier Thorn ? Non, non, ce n'est pas prévu aujourd'hui. S'il n'y a que cela pour vous tranquilliser, j'ai d'autres préoccupations à l'esprit pour le moment. En fait, nous attendons quelqu'un. » Ophélie fut tellement prise au dépourvu qu'elle en oublia sa colère. « Qui ?»« Moi !» Une apparition cauchemardesque venait de pénétrer dans la salle de billard.